Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 17th June 2020. Today you can hear a track by LHSTANA David called Poor Noel. Donne-t-elle pas de nouvelles? A-t-elle besoin de quelques roubles? Est-elle bien heureuse au soleil? Ou a-t-elle comme moi les yeux troubles? Ma petite fille partie si loin, écris-moi vite que tu vas bien. J'ai vu rétrécir à l'horizon, je t'ai même fait croire que t'avais raison. Pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles? A-t-elle besoin de quelques roubles? Est-elle bien heureuse au soleil? Ou a-t-elle comme moi les yeux troubles? Seras-tu près de nous pour Noël? Je t'attends tourné vers le ciel. Je t'ai vu rétrécir à l'horizon, je t'ai même fait croire que t'avais raison. That was Poor Noel by LHSTANA David. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, share alike licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2020/0617. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.